faite pour 100 personnes mais pour des millions. Marseille et sa production. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions, des millions. Je descends de ma montagne à cheval, sorti de ma retraite en moigne, ma bougie. Je déballe mon baluchon à froid dans la plus pure tradition. La maîtrise est totale, tel le ninja en action. L'inné et l'acquis se confondent. Les mecs m'observent, je crée dans leur tête une confusion profonde. Son de mon esprit, tu perdras le tien. N'éveille pas le dragon, la bête est plus affamée qu'une meute de chien. Nourrie aux grosses caisses, aux claps, pour que ça frappe. Pas de mélodie pour avouer le massacre. Ombre furtive, tranche la nuit comme des shurikens. Mon boken brille, le style de la mouette. Ça bat sur sa proie, maître canot du style Olipo. Ivre de Tao, Drunken Style Pow. Un de plus dans le pow. Calligraphie, ce texte est dédié au Rataclan. Un bon son brut pour les truands. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Et me casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Attaque avec grade de chacal puant. Un bon son brut pour les truands. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Attaque avec grade de chacal puant. Un bon son brut pour les truands. Celui qui nique ma zik, votre shit, les sales flics. Chez nous ça prenne des coups de predator kick. Fix ou je te mystifie comme un Twix, aussi sauvage que des Nyx. L'homme animal revient avec sa clique. Toujours les mêmes, les cigariers d'apocalypse. Regarde à l'horizon, c'est notre bannière qui se hisse. I am, je le suis et je le reste, un casse-tête. Mais sur moi garçon, ceux qui renient mon sang finiront par se prendre à coups de tête sur les murs. La nature des éléments me pousse aux trousses des ordures. L'impur devient pur en maîtrisant l'écriture. Sur tes mix, tape and blast. Gravé côté obscur dedans. Un bon son brut pour les truands. À présent mature, ma vie se passe sur des mélodies, les ratures. Sur mes pages m'ont forgé mon esprit conscient. Que ma vocation va servir à l'expansion de mon école, fils. Celle du micro d'argent. Mon subconscient me guide, l'infini pouvoir limpide. Regarde ce que peut faire un bon quand tu joues les truands. Écoute le dernier Freeman du clan des 108 dragons. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Attaque avec grade de chacal puant. Un bon son brut pour les truands. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Attaque avec grade de chacal puant. Un bon son brut pour les truands. Hola amigo, je réplique avec un pack de saligo. Et plein de mecs pour imiquer le bénéfice au gringo. Un bon son brut, lâche ta zik, Erejenza. Cerveza dans la pogne, reconnaissez-moi Sentenza. J'espère que t'es rapide, kid, ou ton beat est un beat of flop. Si tu viens me tuer, ne raconte pas ta vie mec. Car je me méfie de tout et ne sous-estime rien. Même le pire des pouilleux à un ange gardien. Attablé ma bouche pleine coude, un plat de fazoule. En poche de trois boules, exécute les contrats sur des petzoules. Les fauriens, apprécie ce son, c'est pas bruyant. C'est comme pas le commerce. Rien que pour les chiens, 100% faillot fait abstraction. Les ragots blondins ne meurent pas. Lâche ta planque ou tu caches le magot. Cowboy en ballerine ne pète pas au royaume des puants. Ce beat est désigné que pour les crapules au suant. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Attaque avec un grain de chacal puant. Un bon son brut pour les truands. Ne lâche pas le mic, il est gluant. Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonitruants. Attaque avec grade de chacal puant. Un bon son brut pour les truands.